نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 17 dans la lecture du livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymeen. C'est l'explication de la عقيدة أهل السنة والجماعة. Et on est arrivé aujourd'hui, bon, on est toujours dans le chapitre de la foi en Allah, ou dans la question qui a rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi les exemples que le cheikh il a cité pour mentionner donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, il a mentionné le verset dans Surat al-Hashr, le verset 22 à 24. Et c'est un verset qui est très, très récité, qui est récité souvent dans la prière. Les imams, souvent dans la prière, ils récitent ces versets-là. Et une des raisons pourquoi les gens aiment beaucoup réciter ces versets, c'est parce qu'il y a dedans l'énumération de plusieurs d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 22 à 24 dans Surat al-Hashr, l'Exode. Donc on va lire le verset ensemble encore une fois. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ce qui signifie c'est Allah, c'est lui Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il connaît le monde invisible et le monde visible. Et c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le souverain, le sanctifié, le pur, le rassurant, l'observateur. C'est ça que je disais hier, l'observateur. Je ne voyais pas pourquoi ils ont traduit ça par l'observateur. En fait, je vais regarder dans le. Est-ce que dans la traduction, dans le. La traduction en français, est-ce que c'est le même terme qui est utilisé? Parce que là, je suis en train de lire de la traduction du livre. Donc, je me demande si dans le. Dans la traduction des sens du Coran, dans le Mus'haf, est-ce que. Le prédominant, c'est ça. Donc l'observateur, je ne sais pas pourquoi. Dans la traduction en français, la traduction de Malik Fahad, ils ont traduit le prédominant. Donc je ne sais pas ici pourquoi ils ont mis l'observateur. C'est vraiment bizarre comme traduction. Le prédominant. Ok. Les derniers, de 22 à 24. Les trois derniers versets. En fait, le nom qu'ils ont traduit par l'observateur, c'est lorsqu'il dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. C'est ça, ils ont traduit al-muhaymin par l'observateur, tandis que dans la traduction dans le Coran ils ont mis le prédominant, et c'est ça la vraie signification, c'est plus le prédominant. Parce que Al-Muhaymin, c'est celui qui a le dessus sur les autres. Ensuite, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Donc le contraignant, l'orgueilleux. Le Tout-Puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Donc, Tout-Puissant, le contraignant, Al-Jabbar, eux, ils ont traduit le fier. Al-Jabbar, ils ont traduit le fier. Ok, bon, tu vois, il y a différentes traductions comme ça, hein. Ouais, d'une traduction à l'autre, tu vois, ça change. Hein? Bon, alors là, c'est ça ce qu'on va faire. On va lire en arabe comment le cheikh il a expliqué ces noms-là. Puis ça va peut-être un peu nous aider à voir parmi ces traductions lesquelles est plus correcte. C'est ça, Al-Jabbar, c'est plus le contraignant, tu vois. C'est plus le contraignant, c'est-à-dire, ça vient de Al-Jabr, yani. Et on va, de toute façon, quand on va arriver à ce nom-là, on va l'expliquer, Inch'Allah. Donc, premièrement, on va commencer, parce qu'hier, on a fait le début, on est arrivé à « Wa huwa ar-Rahman ar-Rahim ». « Qawluhu huwa ar-Rahman ar-Rahim » الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم كذلك اسم من أسماء الله تعالى فهذان اسمان عظيمان ختمت بهما البسملة ببسم الله الرحمن الرحيم ومعناهما ذو الرحمة. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset هو الرحمن الرحيم, c'est-à-dire الرحمن c'est un des noms d'Allah, et Ar-Rahim c'est aussi un des noms d'Allah, et ces deux noms sont deux parmi les grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il complète le basmala. Qu'est-ce qu'on appelle le basmala? Basmala, c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc Bismillah c'est au nom d'Allah, Ar-Rahman ar-Rahim c'est deux autres parmi les noms d'Allah, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça c'est la traduction. Et les deux ont la signification du détenteur de la miséricorde. Les deux ont la signification de celui qui possède la miséricorde. Sauf que, on va voir que ça a quelque chose de plus. C'est la traduction de tout miséricordieux, très miséricordieux, c'est limité comme dans la compréhension. Parce qu'en réalité, c'est plus que ça, en fait. Et le cheikh, il dit, ولكن الأول باعتبارها وصفا والثاني باعتبارها فعلا وذلك أن رحمة الله وصف وفعل وصف وفعل فهو ذو رحمة وهو يرحم قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. Donc le cheikh il explique que le premier الرحمن c'est une description. Et le deuxième, Ar-Rahim, c'est plus par rapport à l'action. Le premier, c'est une description par rapport à l'attribut, plus par rapport à une description d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à son être, à son attribut, comme un attribut. Et le deuxième, c'est plus la miséricorde par rapport à son action, à ses actions. Et le cheikh, il explique que la miséricorde d'Allah, c'est un attribut, une description, et en même temps une action aussi. Comme par exemple, le fait qu'il détienne la miséricorde et le fait qu'il fasse miséricorde. Le fait de détenir la miséricorde, ça c'est l'attribut. Et le fait de faire miséricorde à quelqu'un, ça c'est dans l'action. Hein? Et il donne l'exemple du verset dans Surat Al-Kahf, le verset 58. Dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ » Rabbuka, ton Seigneur, Al-Ghafour, donc c'est le pardonneur, et ton Seigneur est le pardonneur, Zur Rahma, celui qui détient, qui possède la miséricorde. Zu, ça veut dire celui qui possède, posséder. Zu, le détenteur, le possesseur. Ar-Rahma, c'est-à-dire la miséricorde, celui qui détient la miséricorde. La Rahma, oui, dans un sens, la miséricorde, quand on dit que c'est un attribut, c'est-à-dire Allah détient la miséricorde, et Yarham, c'est-à-dire il fait miséricorde aux gens, donc ça veut dire que c'est l'action, hein, c'est l'action. Donc c'est la description d'un attribut et l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait miséricorde à quelqu'un. Et ça, le premier exemple est le fait que ce soit un attribut de celui qui détient la miséricorde. Eh bien, ça, c'est dans le verset 58. Dans Surat Al-Kahf, on voit l'exemple de ça, lorsqu'il dit وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, hein? Donc, ça, c'est la signification de Ar-Rahman. Et l'autre verset, le verset 21, dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il dit ce qui signifie, il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc ça c'est l'action. Il fait miséricorde à qui il veut. Il dit وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تِكْرَارٌ. يعني إذا قلنا الرحمة دال عليها الرحمن وهي رحمة باعتبارها وصفا والرحمة الدال عليها الرحيم هي رحمة باعتبارها فعلا حينئذ تقول ليس في الجمع بين هذين الاسمين تكرار. Donc le cheikh il dit, donc en se basant là-dessus, on peut comprendre qu'il n'y a pas de répétition. C'est pas comme s'il répétait deux fois la même attribut ou la même chose. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est pas deux fois la même chose qui est répétée. Parce que Ar-Rahman c'est une chose et Ar-Rahim c'est autre chose. Ar-Rahman ça a rapport à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le détenteur de la miséricorde, donc c'est un attribut. Et Ar-Rahim, ça a rapport à l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait miséricorde à quelqu'un. Hein? Donc la première, Ar-Rahman, par rapport à la description, le détenteur de la miséricorde, et Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. En fait, c'est ça la signification. Le tout miséricordieux qui fait miséricorde à qui il veut. Et donc, il n'y a pas de répétition le fait de mentionner les deux noms, un après l'autre. Il dit ensuite, فَالرَّحْمَةُ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِاعْتِبَارِهَا وَصْفًا لِلَّهِ تَعَالَى وَمَعْنَى صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ أَيْ أَنَّهَا مِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ أَبَدًا وَأَزَلًا فَهُوَ لَمْ يَزَلْ ولا يزال رحيما وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية لأن الله تعالى يرحم فعلا ويرحم فلان لأن الله تعالى يرحم فلانا ولا يرحم فلانا وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية. إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا وفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم. Donc le cheikh il explique que donc la miséricorde c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut de son être. Et ça c'est lorsqu'on prend en considération cet attribut là comme étant une description d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsqu'on dit un attribut de son être, ça dit que c'est quelque chose qui fait toujours partie de lui, qui se sépare jamais de lui, puisque ça fait partie de lui, de qu'est-ce qu'il est. Et donc, il a toujours été et il sera toujours miséricordieux. Et lorsqu'on parle par rapport à l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait miséricorde à quelqu'un en particulier, là on parle d'une action. On parle d'une action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il fasse miséricorde à telle personne, mais il fait pas miséricorde à l'autre, eh bien ça veut dire que c'est un attribut de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les attributs quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quelque chose, il fait à qui il veut, ou bien à telle personne il le fait pas, ça veut dire que ça a un rapport avec l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il décide de faire, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ça, ça a rapport avec les attributs qui sont reliés à l'action. Donc, la miséricorde est une attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de son être, quand on considère que c'est une description d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est une attribut de ses actions, lorsqu'on considère qu'il fait cette action-là vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, dans le sens qu'il fait miséricorde à une personne. Donc, ça, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il parle de l'attribut comme étant une action d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ça fait partie de ses actions aussi. Et là, le cheikh dit ensuite, وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا حَمَلْنَا هَذَا عَلَى مَعْنًا وَهَذَا عَلَى مَعْنًا سَلِمْنَا مِنَ التَّرَادُفِ. Parce que quand on le traduit en français, dans la traduction qu'ils ont mentionnée, dans les traductions des sens du Coran en français, chaque fois qu'il mentionne le début d'une sourate, il mentionne Bismillahirrahmanirrahim, et tu vois la répétition deux fois, miséricordieux, au nom d'Allah, le miséricordieux. La seule différence, c'est que le premier, ils ont mis tout, et le deuxième, ils ont mis très. Ou bien, il y en a, comme tu dis, peut-être, il y en a d'autres qui utilisent d'autres traductions pour le transmettre. En anglais, je me rappelle qu'il disait par exemple « the most gracious, the most merciful ». Tu vois? Donc, des fois, c'est différentes façons de le traduire, mais ça n'exprime pas la réalité de qu'est-ce que ça signifie vraiment « Ar-Rahman » et « Ar-Rahim ». Comme on vient juste de l'expliquer. « Ar-Rahman », c'est par rapport à sa description, son être. Et « Ar-Rahim », ça a rapport à son action et le fait qu'il fasse la miséricorde à qui il veut. Il y a d'autres ulama qui ont mentionné que Ar-Rahman, c'est la miséricorde d'Allah pour tous les êtres humains général dans cette vie, pour toutes les créatures. Ar-Rahman, ça c'est pour toutes les créatures. Puis tous les croyants, les non-croyants, les animaux, les êtres humains, toutes les créatures. Ils reçoivent de cette miséricorde générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahim, ils ont dit ça, c'est la miséricorde qui est spécifique et particulière aux croyants, dans le sens que c'est dans l'au-delà. C'est la miséricorde qu'il a préparée pour les croyants dans l'au-delà. Et c'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 miséricordes. Il en a mis une dans cette vie d'ici-bas. Et les 99 autres sont pour les croyants dans le paradis. Et avec la petite miséricorde qu'il a mis, ou la miséricorde qu'il a mis dans ce monde, tu vois qu'avec ça, c'est ça qui fait que, le professeur dit, même l'animal, il a de la pitié pour son petit. Et tu vois les hommes, ils ont miséricorde entre eux. Ça, c'est à cause de la miséricorde qu'Allah a mis dans ce monde. C'est une seule miséricorde. Imagine les 99 autres qu'il a préparés pour les croyants dans le paradis. Donc ça, c'est un exemple. Donc le cheikh, il explique ensuite et il dit: فإذا حملنا هذا على معنى وهذا على معنى سلمنا من الترادف وإذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون الكلمة الأخرى ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار ثم إن الله رحيم باعتبار الرحمة فعلا له ليس معناه أنه غير متصف بالرحمة لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة ولكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى الفعل أكثر ولهذا بنية كلمة الرحمن تدل على ذلك فكلمة فعلان أو فعلان فكلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء فتقول هذا الرجل غضبان ويعني ممتلأ غضبا وكذلك سكران وندمان وما أشبه ذلك. فإذا ذكر الرحمن أو الرحيم وحده شمل الوصف والفعل، كذلك تعالى كقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهذا يعني يشمل الوصف والفعل. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle on a mentionné ça, c'est parce que en fait les deux noms Ar-Rahman et Ar-Rahim ont été mentionnés ensemble dans le verset. Et donc lorsque les deux noms sont mentionnés ensemble, eh bien dans ce cas-là, ils ont chacun une signification différente. Tandis que si parfois ils sont mentionnés séparément, c'est-à-dire Ar-Rahman est mentionné tout seul ou Ar-Rahim est mentionné tout seul, alors dans ce cas-là, il a les deux significations réunies ensemble. Ar-Rahman voudra dire dans ce cas-là l'action et voudra dire l'attribut et l'action, mais plus l'attribut. Et Ar-Rahim, lorsqu'il est utilisé tout seul, il voudra dire également l'attribut et l'action, mais étant donné que cette forme-là en arabe, elle a plus le sens de l'action, donc elle aura plus la signification de l'action dans ce cas-là. Et le cheikh, il donne l'exemple qu'en arabe, lorsqu'on utilise la forme fa'lan, eh bien, ça donne la signification de quelque chose qui a été rempli, hein, qu'est-ce qui est rempli de cette chose-là. Comme par exemple, et il donne l'exemple du mot radban. Bon, radban, ça vient du mot radab. Et al-radab, ça veut dire la colère. Donc, quand tu dis à propos de quelqu'un qu'il est radban, ça veut dire qu'il est rempli de colère. Il est fâché. Par exemple, tu vas dire ta'ban. Ça veut dire qu'il est rempli de ta'b. Ta'b, ça veut dire la fatigue. Atchan. Tu dis quelqu'un qui est atchan, il a soif. Il est mali bil atash. Al-atash, c'est la soif. Ou bien, jaw'an. Yani, mali, mumtali'un, jaw'an. Il a faim. Al-jou', c'est la faim. Ok? Donc, c'est ainsi de suite. Donc, c'est la même chose comme le cheikh il mentionne sakran, nadman, yani toute cette forme là en arabe fa'lan, ça veut dire ça. Donc quand tu dis rahman, ça veut dire celui qui est rempli de miséricorde. D'accord? C'est ça qu'il explique ici le cheikh. Et il dit, et c'est pour ça que si on rapporte ou si on mentionne ar-rahman tout seul ou bien ar-rahim tout seul, eh bien, ça comprend les deux, la description et l'action ensemble. Et il cite le verset 60 dans Sourate Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et lorsque on leur dit, prosternez-vous à Ar-Rahman, prosternez-vous à Ar-Rahman, ou pour Ar-Rahman, ils disent, mais qui est Ar-Rahman? Ou qu'est-ce que Ar-Rahman? Il connaissait la signification, mais comme les ulama ont mentionné que quand il disait qu'est-ce que c'est Ar-Rahman ou pourquoi qu'est-ce que Ar-Rahman, il le disait en réalité par orgueil. Il voulait plutôt renier par arrogance, parce que la réalité c'est que les Arabes savaient qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman même avant l'islam, puisque dans les poèmes arabes pré-islamiques il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle Ar-Rahman dans leur poésie. C'est la preuve qu'ils connaissent Ar-Rahman, qu'est-ce que ça signifie. Mais par arrogance, ils ne voulaient pas se prosterner. Alors ils ont refusé et ils disaient, quand on leur dit prosternez-vous pour Ar-Rahman, ils disent qu'est-ce que Ar-Rahman? Et donc, l'attribut ou le nom d'Allah ici, Ar-Rahman, il est utilisé tout seul sans Ar-Rahim. Et dans ce cas-là, le cheikh dit, il a les deux sens. Le sens de la description de l'attribut et de l'action aussi, en même temps, réunis. Après, il dit, وقالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية ليس لله رحمة والرحمة بمعنى الإرادة أما أن تثبت لله رحمة فهذا حرام عليك فقد وصفت الله بما لا يليق به وإذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة والرب عز وجل منزه عن ذلك فالرب ذو سلطان عظيم لا يرق والرحمة فيها رقة يرحمك الله. Donc le cheikh il mentionne maintenant l'exemple de la parole des Asha'ira. Les Asha'ira, ils ne croient pas en l'attribut de la miséricorde. Les Asha'ira ne croient pas en Ar-Rahma comme étant une attribut ou une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit les Asha'ira et ceux qui sont avant eux comme les Mu'tazila et les Jahmiya, ils disent Allah n'a pas de miséricorde. Et la miséricorde pour eux signifie en réalité la volonté. Ils déforment le sens de la miséricorde pour lui donner le sens de la volonté. Donc quand Allah dit qu'il fait miséricorde à quelqu'un, c'est qu'il lui veut du bien. Ou bien quand on dit qu'il a de la miséricorde, en fait c'est de sa volonté qu'on parle. Mais il dit, mais d'affirmer la miséricorde, ils disent ça c'est haram. Ils disent que c'est haram parce que si tu décris Allah par la miséricorde, ça veut dire que tu l'as décrit par quelque chose qui ne lui convient pas. Et la raison pour laquelle ils disent ça, parce qu'ils disent quand tu décris Allah par la miséricorde, ça veut dire que tu le décris par qu'est-ce qui ne lui convient pas, parce que la miséricorde, il y a de la douceur là-dedans, il y a de l'aisance là-dedans, et le Seigneur est purifié de ce genre de choses. Parce que le Seigneur est le détenteur de l'autorité et il est immense et grand et donc il ne s'adoucit pas. Et la miséricorde, il y a de la douceur là-dedans. Donc, subhanallah. Le cheikh il dit, قُلْنَا لَهُمْ مَاذَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَاذَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء قالوا معناها الإرادة يعني إرادة الخير فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان أو هو الإحسان نفسه فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه ونقول لهم إرادة الإحسان ناتجة عن الرحمة فمن يريد الإحسان إلا من كان رحيما والإحسان نفسه ناتج عن إرادة ناتجة عن الرحمة ناتج عن الإرادة الناتجة عن الرحمة وفسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو الإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل فقالوا إن الرحمة تقتضي اللين والرقة والله عز وجل منزه عن ذلك فالإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي فيقولون الإرادة ثابتة فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها وبعضهم يقول لا بل الرحمة هي الإحسان نفسه والإحسان مثل ما أنعم الله عليك بمال أو أنعم الله عليك بعلم أو أنعم الله عليك بولد فهذا الإحسان المراد به النعمة ويكون مخلوقا على هذا لأن العلم الذي عندك مخلوق، والولد مخلوق، والمال مخلوق، ويفسرونه إما بالمخلوق وإما بالإرادة، لأنهم لا ينكرون أن يكون لله مخلوق ولا ينكرون الإرادة. Donc tout ça, qu'est-ce que le cheikh il répond à ces gens-là? Il dit, vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de miséricorde et qu'on ne peut pas lui attribuer la miséricorde. Eh bien, qu'est-ce que vous dites du verset quand Allah il dit Ar-Rahman Ar-Rahim? Qu'est-ce que vous dites quand Allah il dit à propos de lui-même Wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma, c'est-à-dire et ton Seigneur, il est le riche, celui qui détient la miséricorde, dans le verset 133 dans sourate Al-An'am, et le verset qu'on a dit tout à l'heure 21 dans sourate Al-Ankabut. Il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc ça c'est la preuve que Allah il fait miséricorde. Eux ils disent non, ça veut dire la volonté seulement. Ça veut dire que Allah il veut du bien. Quand il dit qu'il fait miséricorde à quelqu'un, ça veut dire qu'il veut du bien à quelqu'un. Et donc la signification de Ar-Rahman pour eux, c'est celui qui veut faire grâce ou faire de la bonté à son serviteur, ou bien c'est la bonté elle-même. Et ils interprètent la miséricorde, donc soit ils disent que c'est de vouloir la bonté, ou que c'est la bonté elle-même. Et nous on dit, le fait que Allah veuille du bien ou de la bonté à quelqu'un, c'est le résultat de la miséricorde. Hein, celui à qui Allah veut du bien, hein, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut du bien, ça veut dire que, yani, il est miséricordieux. Hein. Parce que celui qui veut du bien à quelqu'un, ça veut dire qu'il est miséricordieux. Ou bien, la bonté elle-même, elle est le résultat du fait que quelqu'un a voulu, hein, la miséricorde pour quelqu'un. Et donc, ça, c'est la preuve que ça découle de la miséricorde. Eux, ils disent, non, la miséricorde, c'est la volonté. C'est la volonté de vouloir faire une grâce à quelqu'un. Ou bien, yani, c'est la grâce elle-même. Et c'est pas l'attribut. C'est pas un attribut. C'est la grâce d'Allah elle-même. Donc, ils disent, par exemple, que la miséricorde, comme, étant donné que ça implique la douceur, hein, et que ça implique le fait d'être, yani, doux avec les gens et d'être, yani, d'avoir des sentiments pour les gens, eux, ils disent, on peut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est la même chose dans toutes les attributs d'Allah, c'est la même règle. C'est que ce qu'on dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on attribue à Allah une attribut qu'il s'est attribué lui-même, elle n'est pas attribuée à Allah comme elle l'est attribuée aux créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux d'une manière qui lui convient et d'une manière qui n'implique que la perfection. Hein? Il n'y a pas d'imperfection dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit qu'ils ont interprété la miséricorde, hein, par la volonté ou bien par la grâce. Par la volonté du bien ou bien par la grâce ou bien par la bonté elle-même. Et le cheikh il dit donc ils vont affirmer, hein, ils vont affirmer la volonté, ils l'affirment. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est basé sur la raison. Ils peuvent l'affirmer en se basant sur la logique. Donc ils disent, la volonté, elle est affirmée à Allah. Mais la miséricorde, non. Ils disent, on ne peut pas affirmer la miséricorde par la raison. Alors que c'est faux. On peut l'affirmer par la raison aussi. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans un autre livre qu'il a fait sur l'explication des piliers de la foi, il a mentionné les preuves de la raison, comment on peut établir la miséricorde pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cheikh dit ici que la signification de la volonté que eux ils ont accepté et qu'ils affirment, c'est par ça qu'ils déforment ou qu'ils transforment le sens de la miséricorde. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ils affirment la volonté, donc ça fonctionne pour eux. Donc ils affirment la miséricorde en disant que c'est la volonté. Et d'autres, ils disent non, mais la miséricorde c'est la bonté. elle-même. De la même manière que si tu dis par exemple que Allah il t'a fait la grâce de te donner de l'argent, ou il t'a donné de la science, ou il t'a donné un enfant, donc ça c'est une grâce, donc c'est une chose qui est créée, donc ils affirment la volonté comme étant une grâce dans le sens que c'est quelque chose de créé. Et donc pour eux il dit c'est ça, soit que c'est al-ihsan ou soit que c'est al-ni'ma, parce que c'est une chose qui est créée, la science yani, ou bien l'enfant que tu reçois ou l'argent que tu reçois, tout ça c'est des grâces que Allah t'a donné qui sont des choses créées. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, il l'interprète soit comme étant une chose créée ou bien soit comme étant la volonté, puisque la volonté pour eux est une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle n'est pas créée, puisque c'est une attribut qu'ils ont donné ça comme attribut à Allah, ils l'ont établi soi-disant par la raison, donc c'est pas créé. Alors voilà comment ils interprètent ou ils déforment le sens de la miséricorde. Soit ils disent que c'est la volonté, soit ils disent que c'est la bonté ou la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh dit, wa naqulu lahum idha athbattum al-irada faqad shabbahtum Allah bil makhluq, li'anna al makhluq lahu irada. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال تعالى من كان يريد العاجلة. فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم المماثلة. Donc le cheikh il les a réfutés encore avec un autre point. Il a dit, pourquoi vous affirmez pas la miséricorde? Parce que vous dites que les êtres humains ont la miséricorde aussi. Donc si on affirme à Allah la miséricorde, ça voudrait dire que Allah ressemble à sa création. Mais vous affirmez la volonté. Et les êtres humains ont une volonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parmi vous certains veulent la dunya. Et parmi vous certains veulent l'au-delà. Et dans un autre verset, ça c'est le verset 152 dans Surat Al-Imran. Dans le verset 19 dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui d'entre vous qui veut l'au-delà et qui fait l'effort nécessaire pour avoir l'au-delà. Et dans le verset 18 dans Surat Al-Isra, celui d'entre vous qui désire ou qui veut la vie d'ici-bas, la vie éphémère. Eh bien, ici c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé la volonté pour les créatures. Donc selon votre règle, hein, il parle au Asha'ira, il dit selon votre règle, on devrait pas non plus attribuer la volonté à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les êtres humains aussi ont la volonté. Ça voudrait dire que vous avez fait ressembler Allah à sa création. Et bien entendu, ils vont dire non. Hein, ils vont dire non parce que la volonté d'Allah c'est pas comme la volonté des créatures. Alors nous, on leur dit la même chose pour la miséricorde. La miséricorde d'Allah, c'est pas la même chose que la miséricorde des créatures, hein? Et après le cheikh, il dit: وَإِذَا فَسَّرْتُمُ الرَّحْمَةَ بِالنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا فَإِنَّ هَذِهِ النِّعَمَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَصْدُرَ إِلَّا عَنْ إِرَادَةٍ وَإِرَادَةُ النِّعَمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَصْدُرَ إِلَّا عَنْ رَحْمَةٍ فَلَزِمَكُمْ ثُبُوتَ الرَّحْمَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Donc le cheikh il dit, et si vous interprétez la miséricorde par les grâces que Allah a données, eh bien ces grâces là elles ne peuvent pas venir excepté selon une volonté, hein? Et la volonté de faire des grâces, elle ne peut pas venir excepté que d'une miséricorde. Et donc vous êtes obligés de toute façon d'établir et d'affirmer la miséricorde dans tous les cas. Donc vous ne pouvez pas vous en échapper. Il dit wa khulasatul qawl anna nahnu ma'ashara aw ma'ashara ahli as-sunnah wal jama'a nuthbitu kulla ma athbathahu Allah ta'ala li nafsihi walakinna naqulu inna as-sifata allati athbathaha Allah ta'ala li nafsihi وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بين لا تماثل بينهما بل بينهما من التباين ما بين الخالق والمخلوق. فمثلا رحمة الخالق واسعة عظيمة ورحمة المخلوق قليلة ضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني ويقول لا تجلدوه وهو يصلي ويصوم ويزكي، قد غلبته الشهوة يوما من الأيام وزنى فارحموه، هل هنا موضع الرحمة؟ الجواب لا. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فرحمة المخلوق ناقصة وقد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. Donc le cheikh il explique que en résumé nous disons, nous les gens de la sunna, de la jama'a, nous affirmons tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même. Et nous disons que l'attribut que Allah s'est affirmé pour lui-même est l'attribut que les créatures possèdent. Hein, à la base, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et là, il y a une différence entre les deux aussi grande que la différence entre le créateur et la créature. Donc il dit par exemple, le créateur, sa miséricorde, elle est immense et grande. Tandis que la créature, sa miséricorde, elle est faible et petite. Et peut-être que parfois, il n'a pas de miséricorde alors qu'il devait en avoir. Et parfois, il va faire preuve de miséricorde là où il ne devrait pas le faire. Et il dit l'exemple, il dit certaines personnes font le zina. Et quand c'est le temps de... ils font la fornication. Quand c'est le temps de les fouetter, ils disent... non, mais il fait la salat, il jeûne, il fait la zakat. Il a été pris par sa passion et il est tombé dans le péché. Faites-lui miséricorde. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et le cheikh, il dit ici, est-ce que c'est un endroit, est-ce que c'est un moment de faire preuve de miséricorde? Il dit non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2, dans Surat An-Nur, et ne soyez pas pris de miséricorde pour lui dans la religion d'Allah, celui qui a fait ce péché-là. Donc la miséricorde pour la créature, elle est déficiente. Parfois, il fait preuve de miséricorde lorsqu'il ne faut pas en faire preuve. Et parfois, lorsqu'il faut en avoir de la miséricorde, eh bien, il n'en a pas. C'est la preuve que la créature, sa miséricorde n'est pas comme la miséricorde du Créateur. On va s'arrêter ici, parce que c'est l'heure de la salat, puis il reste 5 minutes encore. Mais on va s'arrêter pour faire le adhan et puis on continuera le prochain cours, on continuera l'explication à ce sujet-là. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après la salat, on fera le tafsir de Sourate al-Baqarah, inshallah.